Nous n'attendons pas le changement. Nous sommes le changement. Chers compatriotes, l'avenir, c'est maintenant. Jotna, lignez pour quoi? Lignez pour Jots. Revolutionaire, revolutionaire, revolutionaire.